Bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur ce donc premier podcast, Cosmo Podcast, on peut dire peut-être, que nous enregistrons aujourd'hui dans un lieu tenu secret, en bonne compagnie et sur le thème, la thématique que je vais reprendre d'un podcast que vous avez peut-être déjà écouté, sur les voies d'Altaride, où j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité, concernant le transhumanisme en jeu de rôle. Pour en parler aujourd'hui et poursuivre un peu la discussion, je reçois deux invités de marque. Que je vous présente, Thomas. Salut Thomas. Salut. Ça va? Bah oui, ça va. Je suis un sans-abri. En fait, qu'Antoine a ramassé dans la rue, il m'a donné une boisson chaude et maintenant il m'oblige à faire un podcast. Je ne sais pas trop de quoi on doit parler. Je suis un peu intimidé. Et on va voir ça. Et Gabriel, salut Gabriel, ça va? Salut. Alors moi j'ai pas eu de boisson chaude. Merde, ça commence bien. Très bien. Bon bah écoute, désolé, on va essayer d'en parler quand même. Du coup, on va parler ensemble de transhumanisme et de jeux de rôle. De jeux de rôle. Alors, si vous êtes lecteur, lectrice assidue de ce que je fais en ligne, puisque c'est moi qui héberge aujourd'hui, vous savez peut-être que le transhumanisme, c'est un truc dont je parle pas mal depuis quelques années. Et donc, je vais forcément reboucler sur mes marottes. Et donc, si vous connaissez déjà certaines de mes circonvolutions, je m'en excuse par avance. En gros, pour resituer un peu le sujet tel que qu'on l'avait évoqué la dernière fois aux voies d'Altaride, moi j'avais trois niveaux d'intégration du transhumanisme en jeu de rôle, que je vais vous refaire rapidement là pour poser un peu le débat. En gros, le premier niveau, c'est le niveau 1, le premier niveau 1, jusque-là ça va, qui est en fait le niveau le plus simple de l'intégration de la problématique et qu'on peut trouver dans pas mal de jeux, puisque la plupart des jeux ne se posent pas plus de questions que ça concernant le transhumanisme. En tout cas, c'est un avis perso. C'est l'idée que le transhumanisme modifie le personnage avec des bonus et des malus et qu'on ne se pose pas beaucoup plus de questions que ça. C'est-à-dire qu'on altère les caractéristiques du personnage et ses capacités avec une classe, une race, etc. pour parler de ce type-là. Moi, je joue à Starfinder en ce moment, qui est la version spatiale de Pathfinder, et ça ne va pas très loin en la matière. C'est-à-dire que la modification corporelle est ou mentale d'ailleurs, est un objet magique ou une capacité de classe, et c'est tout. C'est donc purement cosmétique, il n'y a pas vraiment d'intégration du sujet en jeu. En tout cas, pas dans l'univers du jeu. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle le niveau Édouard de main d'argent, c'est-à-dire on commence à rentrer dans l'idée que la modification de l'être humain ou de la créature jouable, en tout cas dans le jeu, devient une forme de design en fait, et que cette forme de design se confond avec le game design du jeu. C'est-à-dire qu'on oriente le personnage en le modifiant, et que cette orientation va pouvoir être utilisée dans l'univers du jeu à des fins quasiment de discours politique. Mais également à des fins de scénario ou de poser l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver comme Édouard de main d'argent, doté de capacités particulières. Donc mes mains sont des ciseaux, je peux les utiliser pour découper des trucs, et donc éventuellement pour être un ninja tueur dans un jeu de ce genre. Mais également, je vais avoir du mal à toucher quelqu'un d'autre ou un objet sans le couper, le blesser, etc. Et donc je vais être designé dans un sens bien précis. Bref, ce deuxième niveau ouvre la porte du JDR qu'on pourrait appeler politique, c'est-à-dire qu'on a un discours technocritique sur la technologie en elle-même, sur ce que c'est que le fait de modifier avec une logique transhumaniste l'être humain, on va dire, pour simplifier, et que ce faisant, on modifie donc le rapport au monde des gens et des joueurs et des personnages en général, parce que c'est pas forcément que les joueurs, dans un sens donné. Le dernier niveau, il est beaucoup plus expérimental. Peut-être qu'on verra si on a des choses à se dire ensemble sur ça. C'est le niveau Matrix, c'est-à-dire on arrive encore au stade d'après où, prenant acte du fait que je modifie ma capacité à agir sur le monde en me modifiant moi-même, je deviens donc capable de. Enfin, j'ai plutôt des règles du jeu qui modifient mon rapport au monde et je peux à mon tour en prendre acte pour modifier ces règles du jeu. Je fais comme dans Matrix, donc, ou dans la Horde du Contrevent pour ceux qui suivent encore mes autres marottes, c'est-à-dire que je deviens capable moi-même de modifier la texture de la réalité à partir du moment où je l'admets comme une fiction. Dans Matrix, c'est la matrice, et dans la Horde du Contrevent, c'est le langage, la littérature, la langue française. Voilà, donc là je suis peut-être parti un peu loin, on va voir, on va reprendre ça point par point. En tout cas, voilà les trois niveaux. Niveau 1, modifier son perso. Niveau 2, Édouard de Main d'Argent. Et niveau 3, briser les murs et hacker la matrice. Qui pose d'ailleurs ce troisième niveau un problème fondamental. Comment écrire un jeu qui autorise les joueurs à transgresser ses propres règles? Tout ça nous amène à la problématique suivante, parce qu'on a fait les choses bien, donc développement et problématisation. La problématique est la suivante, donc comment peut-on intégrer, on va en discuter ensemble, les questions transhumanistes dans le jeu de rôle pour allier un discours porté par l'univers et des règles du jeu elles-mêmes. Après cette introduction trop longue, je vous passe la parole. Thomas? Ben en fait, je te cache pas qu'avec Gabriel, on a un petit peu discuté en préparation de ce podcast, et notamment on a discuté finalement sur la pertinence du sujet. On s'est demandé C'est pas si, sympa. en fait, si ça valait le coup, s'il y avait quelque chose à dire sur le sujet. Alors plus exactement, pour dire les choses de façon plus constructive, on s'est demandé en fait si déjà de manière générale, est-ce que le jeu de rôle était un média pertinent pour parler de modifications corporelles et de transhumanisme, parce que déjà on se demandait est-ce que c'est juste un média pertinent pour instruire un public sur quelque chose. Donc là j'ai fait une petite j'ai fait une petite première synthèse des réflexions qu'on a eues avec Gabriel sur le podcast Frankenstein, jeu de rôle peut-il changer les mentalités? Vous retrouverez sur une pincée de fel. Et donc on se posait aussi, donc déjà en règle générale, c'était est-ce que vraiment on peut utiliser le jeu de rôle comme un média pour apprendre quelque chose sur un sujet, quoi? Et plus globalement, sur ces sujets-là qu'on va aborder, qui sont quand même assez complexes. Là-dessus, je pense qu'on avait vu plusieurs approches. Je parle sous ton contrôle, Gabriel, enfin, n'hésite pas à m'interrompre s'il faut rentrer dans la précision. La première approche semblait être qu'il fallait avoir une autorice chevronnée dans ces domaines-là pour designer un jeu qui soit justement très, très, très informé, très renseigné sur le sujet, pour que ça soit pertinent. Et donc, sachant que du coup, cette personne allait produire un jeu à destination de joueuses dilettantes sur ces sujets, tout simplement pour leur apprendre, leur transmettre par le jeu des notions sur le transhumanisme et compagnie, quoi. Alors on s'est mis aussi à triper sur des parties en fait uniquement entre spécialistes du domaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on réunit un bioéthicien, un philosophe, un expert en IA, un chirurgien, un expert en game design et Alain Damasio, on les met à la même table et on les fait jouer, qu'est-ce que ça pourrait donner en fait? On s'est presque demandé si c'était pas finalement la seule chose intéressante à faire, quoi. On a aussi rencontré une sorte de dilemme de la transmission. C'est-à-dire que on se demandait pourquoi ce serait mieux, plus pertinent qu'un essai, tu vois, un livre sur le transhumanisme ou les modifications corporelles. Et en fait, parce que tu vois, un essai, ça te permet de transmettre de nombreuses notions d'un seul coup, ça te permet aussi d'aborder les choses vraiment dans leur complexité, de rentrer dans le détail. Mais le problème, c'est que c'est peu digeste et éventuellement pas facile à retenir, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas habituées à des littératures un peu pointues, on va dire. Tandis que si on veut transmettre ces notions par le jeu de rôle, ça peut faciliter l'apprentissage parce qu'en fait, on amène ça sous forme d'une conversation. Il y a une mise en jeu, une mise en récit. Tout ça crée des émotions, une identification à la situation, et ça aide à la mémorisation, en fait. Vraiment, c'est un peu, c'est quelque part, c'est du show don't tell, quoi, le jeu de rôle. Mais il y a énormément de scories parce que, en fait, grosso modo, dans une partie, tu vas faire passer une ou deux notions, et le reste de la partie, ça va être de la mise en jeu, de la mise en récit, des moments sociaux, du passe-moi les chips et tout. Donc, en fait, il fallait lâcher prise de l'idée de transmettre tout un tas de notions en une seule partie, quoi. On allait se concentrer sur un point ou deux, quoi. Et est-ce que d'ailleurs on peut dire que le jeu de rôle, en fait, ce serait juste une forme d'éducation populaire, en fait. Dans le sens où, alors ça dépend, on peut décider, soit comme le disait Thomas, que l'auteur est un sachant et donc il amène des sujets que les dilettantes vont discuter, ou peut-être que le maître du jeu est peut-être renseigné sur la question. Et est-ce que finalement, Alors certes, ce ne sera pas un essai, ce ne sera pas une conférence, mais est-ce que finalement, justement, ça ne permettrait pas une sorte d'initiation, une sorte de mise en bouche, en fait, du sujet? Et aussi, bah, surtout, l'accessibilité, en fait. Tout le monde n'a pas la capacité ou même la connaissance, les moyens aussi d'accéder à des cours, à des conférences, tout ça. Et donc finalement, est-ce que ben voilà, le JDR est un bon moyen d'éducation populaire? Moi, du coup, là-dessus, en fait, bon, je vais défendre un peu mon sujet quand même, parce que je me fais attaquer mon sujet que je vous ai proposé. C'est pas sympa. En fait, je pense que il y a un truc fondamental dans l'approche du transhumanisme, comme dans l'approche de plein d'autres sujets, un peu enfin, potentiellement qui peuvent s'en rapprocher, c'est-à-dire avec un gros fond philosophique et discutable derrière. Discutable au sens où on en discute, hein, pas au sens. Discutable. Mais c'est qu'en fait, le jeu de rôle met en situation des mondes qui font un peu rêver, qui donnent envie de jouer dedans, des mondes aventureux, héroïques et tout. On a sans doute plus ou moins tous, alors vous me détromperez peut-être, mais moi j'ai commencé pour ça. J'ai commencé pour jouer des héros dans des mondes fabuleux, etc. Et du coup, le côté transhumaniste, en fait, c'est un motif ultra récurrent de la SF. Donc ça commence parce qu'on veut jouer des espèces de ninja cyborg et que peut-être on va être amené à des questions d'éducation populaire ou d'ouverture à ces sujets-là sous un angle plus philosophique ou politique derrière, mais c'est pas forcément l'approche première. Je pense que c'est pas l'approche première, en tout cas pour la plupart des jeux qui prennent en compte ces problématiques-là. Mais alors, est-ce que c'est une façon de dire que tu veux prendre les joueuses par surprise, dans le sens où viens, on va jouer Ken et Barbie avec des implants, et puis au final, en réalité, on se retrouvait à avoir des questionnements philosophiques. Bah, alors il y a des jeux qui proposent ça. Il me semble qu'il y a des jeux qui proposent ça. Je crois qu'il y a Sens qui propose ça. J'ai jamais joué à Sens particulièrement de Romaric Briand. Oui, c'est vrai que le jeu, effectivement, t'appâte en te vantant une histoire de SF, aventure, avec des chevaliers du Zodiaque et tout. Puis en fait, derrière, l'idée, c'est que tu vas avoir une réflexion philosophique. Ouais, c'est ça. On peut parler de prise d'otage dans le sens. Alors ça, oui, est-ce que tu veux nous développer ce point-là? Si tu si crois que ça va te faire des ennemis, t'es pas obligé. Et ben dans le sens où bah, peut-être bah voilà, on peut peut-être reboucler sur l'éducation populaire et sur ce que disait Thomas avant. En fait, le problème de sens, alors pareil, petit disclaimer, dans toute honnêteté intellectuelle, je n'ai pas joué à Sens, mais j'ai beaucoup discuté avec les gens qui ont joué. Subi des fois. En fait, là, on retrouve, dans le sens de ce que j'ai compris, c'est une conférence, en fait. Dans le sens où il y a le conférencier, et il va dire des choses sans doute très intéressantes, et c'est pour ça qu'on est à la conférence, sinon on resterait chez soi. Mais il n'y a pas d'interaction, alors que c'est bête, le jeu de rôle, il y a quand même, on est censé avoir une certaine agentivité. Pour moi, ça, c'est juste une grande, grande conférence qui dure très longtemps, en fait. Alors, du coup, sur ce cas précis-là, j'ai pas joué non plus, donc je sais pas si on a beaucoup plus à en dire. Bon, en tout cas, c'est super clair. Du coup, pour moi, il y a plusieurs problématiques. Il y a d'un côté le jeu de rôle éducation populaire, où effectivement, il faut prévenir les gens avant de jouer qu'ils vont jouer à quelque chose qui est supposé être de l'éducation populaire. Dans ce cas-là, à mon avis, faut pas s'étonner s'il y a peu de volontaires, parce que ça fait très professoral d'un coup. C'est comme certains romans. Où sous couvert d'un roman, en fait, on va te déballer un essai, en fait. Je ne vais pas citer qui que ce soit pour ne pas me faire d'ennemis. Mais il y a aussi une autre approche, c'est que ces questions-là, on va les utiliser dans le cadre narratif du récit pour faire derrière enfin, en fait, arriver à, je crois, un truc qui t'est assez cher, Thomas, c'est le vertige logique, par exemple. C'est-à-dire un moment où, grâce à des problématiques, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'effet Black Mirror, si tu veux, c'est le nœud coulant. On propose une technologie, elle a l'air super cool, Et en fait, elle porte en elle déjà un côté de piège qui va se refermer sur toi, alors qu'on n'aura pas changé les règles. On va te les avoir annoncées de but en blanc, genre tu peux filmer avec tes yeux, voilà. Mais ce truc va révéler avoir un côté hyper vicieux, soit en lui-même, soit dans la manière dont les gens l'utilisent, dans le cadre du jeu. Et en fait, tu arrives à des histoires qui sont plus intéressantes parce qu'elles utilisent ces éléments-là. Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis l'éducation populaire, ça pouvait faire fuir plus d'un, voire tous, comme tu sembles dire. Il y a justement le jeu de rôle, c'est aussi un média qui se veut plaisant. On va jeter des dés, c'est rigolo, on va calculer des scores de dégâts. On va blider. C'est ça, très très long, pour ceux que ça plaît. Je pense, en fait, je vais prendre un exemple d'un autre média, la littérature. Je pensais à 93, le livre de Victor Hugo. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est un très gros roman comme c'est bien fait Hugo, et avec une histoire, tout ça, bien construite. Mais justement, dans cette histoire, qui a un début, une fin, un développement, et qui est plaisante à suivre, il y a quand même un message derrière, et c'est pas mis à gros sabots. Ah oui, c'est pas bien, tout ça. Alors des fois, c'est vrai que par exemple dans le dernier jour d'un condamné, il a mis un peu plus les gros sabots, mais dans 93, j'ai trouvé plus de subtilité. Et est-ce que le jeu de rôle, justement, c'est un peu. Ça permet de faire ça. Mais surtout aussi, je pense, quand tu disais éducation populaire, c'est vrai que peut-être le mot éducation, ça fait peur, mais il y a populaire aussi. Oui. Et c'est pas du tout, justement, comme à l'école. Oui, c'est vrai qu'il y a éducation, comme à l'école, éducation nationale, avec le professeur, les cours de maths, tout ça qui ont traumatisé plus d'un. L'éducation populaire, justement, c'est censé. C'est pas censé être ça. À mon avis. Et donc peut-être c'est aussi une image à changer en fait de cette éducation. En fait, c'est intéressant que tu repasses par la littérature. Dans la préface de son roman Europa, il y a Romain Gary en fait qui fait un constat d'échec. Il dit en réalité la culture ne fait pas progresser l'humanité. Et il dit par exemple que Guerre et Paix, Tolstoï a fait bien plus pour la littérature qu'il en a fait pour le maintien de la paix dans le monde. Et en fait, il dit de toute façon la littérature, ça ne fonctionne pas, ça n'édifie pas les gens, ou en tout cas les gens qui devraient en être édifiés ne recevront pas le message. Et donc, pour lui, en fait, la littérature est vaine, et je pense qu'on peut du coup extrapoler à tous les médias, y compris le jeu de rôle, à faire de toute façon à édifier les gens sur un sujet. Mais ceci dit, il embraye en disant qu'il a écrit un roman, notamment pour sensibiliser les gens sur l'échec de la culture. Donc, en fait, il dit j'ai échoué, mais je sais que ça marche pas, mais j'essaierai toujours, quoi, grosso modo. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est traiter correctement d'un sujet et transformer les mentalités des gens sur un sujet par un média fictionnel. Ça ne marche pas, mais il faut quand même essayer. Tu veux dire que ça convainc seulement les convaincus, c'est ça? Je pense que c'est ce que Romain Gary voulait dire, quoi, effectivement. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas renverser la chose en disant que on ne va pas convaincre justement ces gens-là? Parce que pareil, si on fait encore du name dropping, on peut dire que Max Planck disait dans sa théorie la théorie quantique. Ok. En fait, les théories physiques meurent et les nouvelles émergent avec la fin de ses opposants, c'est-à-dire leur mort. Et en fait, quand Romain Gary écrit par exemple son bouquin, ou là quand je parlais par exemple de Hugo, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas des hommes de leur époque? Et donc avec une certaine effervescence, et en fait, ce n'est juste qu'un résultat, ils ont exprimé, en fait, grâce à la littérature ou le jeu de rôle, là, ce qui nous intéresse, leur point de vue, en fait, c'est peut-être juste un rapporteur et non quelque chose qui va faire changer les mentalités. Du coup, j'aimerais réembrayer un peu plus sur le sujet, quoi. On avait abordé tout à l'heure l'espèce de dilemme de la transmission. Et donc, le problème qu'on avait, et ça, par exemple, c'est typiquement ce que rencontrent les MJ d'Eclipse Phase, hein. Donc, qui est un jeu de rôle transhumanisme. Je pense que c'est vraiment, en tout cas, là-dessus qu'ils ont basé leur com, quoi. C'est que comme il y a, en fait, c'est des sujets très complexes, à la fois le transhumanisme et les modifications corporelles. Clairement, s'il y a une structure de jeu qui se prête bien, c'est le jeu en campagne, en fait. Du coup, on joue en campagne, comme ça, à chaque séance, on va pouvoir amener une notion. Que ce soit du jeu en campagne avec des personnages récurrents, encore qu'on pourrait voir que cette notion de personnage récurrent va sans doute perdre de son sens vu les thèmes qu'on utilise. Ou que ce soit de la narration sérielle à la Black Mirror, où en fait on va faire chaque fois c'est en fait une série de one shot avec des personnages qui changent à chaque fois, et on va avoir une série de thématiques qui vont s'accumuler, quoi. Donc voilà, la question c'est comment on amène les données, ça c'est une première réponse. On avait aussi dégagé une autre analyse, c'était donc. Est-ce qu'on a une approche hard science, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller dans des notions au plus proche des recherches scientifiques et bioéthiques et philosophiques actuelles, quoi, quelque chose de vraiment sérieux, quoi, et qu'on va essayer de transmettre par le jeu, quoi. Ou est-ce que il y a une approche un peu bâtarde, c'est l'approche, je dirais, ludifiée. Par exemple, si tu prends dans Shadowrun le hacking. Grosso modo, les runs matriciels dans Shadowrun, ça s'appuie quand même sur le piratage informatique réel, mais c'est simplifié en fait pour que ça reste un jeu, quoi. Enfin, simplifié, ça, y a quand même 30 pages, hein, pour le run matriciel, hein, mais ça reste simplifié en fait. Et en plus, il y a tout ça c'est habillé parce qu'en fait, les runs matriciels, ça se passe dans des réalités virtuelles, donc. Grosso modo, c'est un peu métaphorique, hein. T'as des genre les glaces, enfin les sécurités informatiques, les programmes, ben, en fait dans la réalité virtuelle, ça peut être des monstres, des choses comme ça, quoi. Mais c'est pas juste ludifié que simplifié. Ben, si c'est ludifié aussi, parce que souvent dans Shadowrun, ça prend un peu une forme de donjon, en fait. Et du coup, ça a été critiqué notamment par l'auteur de Cryptomancer, mais je crois que tu veux intervenir. Non, mais je te laisse continuer, je Ok, te reviendrai après. ouais, très bien. L'auteur de Cryptomancer, donc, qui est pour le coup un hacker et qui voulait faire un jeu de rôle pour vraiment sensibiliser sur le hacking, il a dit moi je veux que les processus soient vraiment rigoureux, que ce soit vraiment très proche de ce qu'est le hacking informatique dans la réalité. Donc je veux pas simplifier comme le fait Shadowrun, mais j'ai conscience que c'est aride. Et donc du coup il a choisi une approche métaphorique, puisque en fait dans Cryptomancer se passe dans un monde médiéval fantastique. Avec de mémoire, tu as des espèces de y a un méta, une roche qui transporte l'information, quoi. Et en fait, grosso modo, dans Cryptomancer, c'est littéralement pas mal de donjons, en fait. Il y a pas mal de dungeon crawling, mais je pense qu'il y a autre chose. Et en fait, c'est tout autour de cette notion de pierre d'information. Et en fait, il amène vraiment des notions de hacking assez pointues, mais dans une approche complètement métaphorique. Donc en fait, grosso modo, tu dois apprendre les règles tu dois apprendre un univers, puis comment il fonctionne et tout. Tu te retrouves à faire de l'informatique, mais un peu sans en faire exprès, quoi. Est-ce que ça m'y fait penser, est-ce que justement Cryptomancer n'est pas un bon exemple pour parler du transhumanisme, ou plutôt de vulgariser un sujet, parce que je ne sais pas s'il parle de transhumanisme vraiment. Non, mais en fait, c'était une façon pour moi d'amener que, si tu veux, en fait, tu peux peut-être amener du transhumanisme hyper pointu, mais pourquoi pas le faire dans un monde made fan, tu vois, avec des singularités, genre en remplaçant la, tu peux remplacer la technologie qui permet le transhumanisme, Oui, merci Christophe. Tu peux les, bah, là dans, de, tu peux les remplacer par de la magie si tu mets ça dans un monde médiéval fantastique, quoi. Et ça peut permettre en fait déjà de bah, mine de rien c'est une simplification je pense. C'est une forme de simplification. Et il se concentre, je pense que tu te concentres sur un aspect. Par exemple, pourrait faire un jeu made fan sur les modifications corporelles, par exemple. Mais Alors, alors, avec une magie qui tourne beaucoup autour de ça, et ça permettrait d'étudier l'impact sociétal que ça a. en fait, le truc, tu voulais intervenir? ouais, je suis juste Vas-y. servi. Est-ce que justement, on parlait de adapter son média et aussi quand on parlait d'éducation populaire, est-ce que justement de prendre en fait les codes, les poncifs, je dirais, en fait, du jeu de rôle traditionnel qui vient du wargame, c'est-à-dire du donjon, du medfan, et ensuite de transposer pour faire pour amener quelque chose, bah, par exemple les problématiques de hacking et d'information, il me semblait qu'il y avait pas mal de choses sur les informations. Est-ce que finalement c'est pas bingo pour CryptoMonster, pour l'éducation populaire? En fait, ça tombe super bien ce que tu dis parce que moi, de vous écouter là, j'ai l'impression qu'on confond deux choses différentes, qui sont d'un côté le transhumanisme en termes qui est une idéologie réelle qui existe aujourd'hui, qui est défendue par tout un tas de personnes, etc. Et de l'autre, enfin, et puis d'ailleurs qui a été inventée dans la SF, peut-être à la base, et puis ensuite qui a émergé dans le monde réel. Ou pas d'ailleurs, mais peu importe. C'est-à-dire que Est-ce que c'est c'est la une. SF qui l'a inventé? Non, justement, je sais pas, mais en tout cas, ça coexiste en fait depuis très longtemps, à la fois dans la SF et dans le monde réel. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait s'augmenter et se modifier pour améliorer l'être humain, quoi. Améliorer avec évidemment tous les guillemets qu'il faut mettre, c'est-à-dire ça veut dire quoi améliorer, améliorer par rapport à quoi, etc. Donc, ça, c'est la première chose, c'est le courant de pensée. Et puis la deuxième chose, c'est les technologies transhumanistes et les manières de les mettre en jeu. Et donc, est-ce que ça va être, bah, quand tu te dématérialises, tu vas le faire à base d'incarner un avatar dans le jeu, et puis tu vas faire du dungeon crawling dans un univers qu'on dit virtuel, mais qui en réalité c'est toujours le même jeu de rôle, quoi, mais juste plusieurs plans de réalité. Enfin, en gros, du coup, on a ces deux trucs qui coexistent. Avec d'un côté le courant de pensée et comment un jeu donné ou une partie donnée, parce que le jeu n'a pas forcément de propos sur ça, mais la partie peut très bien amener vers un propos, genre c'est bien, c'est pas bien, ou moins binaire que ça, ça porte tel et tel enjeu, quoi. Donc éducation populaire, on va porter un discours sur ce volet politique, puisque le transhumanisme c'est un courant politique, au sens ça porte une ambition de changer les gens, le monde à travers les gens. Et puis de l'autre côté, la ludification du truc qui permet de répondre plus ou moins bien, avec un plus ou moins large panel d'outils, de jeux, au propos initial en fait. Parce que je sais pas si je suis clair. Tu veux dire la différence entre les outils mis en place pour faire cette éducation, je mets des guillemets, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Qu'est-ce qu'on dit et comment, enfin, quel est le fond en fait? En fait, le fond et la forme, tout bêtement. Oui, alors voilà, c'est un peu le fond et la forme tout bêtement, mais pas que. C'est-à-dire que tu peux aussi confondre un peu les deux. C'est-à-dire que les jeux traditionnellement parlant, en jeu de rôle, tu as la différence entre l'univers et le. Enfin, l'univers scénar et système de règles. C'est-à-dire que, en gros, tu peux, dans les jeux à l'ancienne, old school, tu peux vraiment séparer tout, quoi. Tu peux prendre Cthulhu et t'adaptes selon l'adage, voilà. Ou alors, voilà, tu changes l'univers, tu transposes l'univers dans un autre système de jeu, etc. Et avec quelques adaptations, ça marche plus ou moins. Mais pour confondre vraiment le sujet transhumaniste intégralement, mais comme d'ailleurs plein d'autres sujets hein, potentiellement de ce genre-là, on pourrait imaginer, et peut-être que Eclipse Phase le fait, confondre en fait le fond et la forme pour que à la fois les règles du jeu portent le propos que le jeu cherche à te transmettre. En tant que joueur ou en tant Oui, bah, que MJ ou autre, quoi. du coup, c'est un peu des questions de design, des systèmes de matter et tout, où tu vas pas, bah, tu vas, ça veut dire que tu veux qu'il y ait un univers, un système, que tout rame dans le même sens, que ton univers, ton système de résolution, tes scénarios, il faut qu'ils soient tous bien portés sur la même problématique, quoi. C'est ça, mais du coup, ça veut dire que dans Encore que l'écriture d'un jeu ou juste la mise une bonne en... dissonance ludonarrative, c'est toujours idéal pour amener du questionnement. Donc faites pas des jeux parfaits, vous faites des jeux contradictoires, c'est toujours mieux si tu veux du questionnement. Alors, vas-y, explique-nous ça parce que... Alors, Comment ça, faites des jeux contradictoires? ouais, je vais prendre un exemple. Alors, je le cite souvent, mais tant pis, je vais faire un nouveau. Monostatos, par exemple, c'est un jeu où tu. Comment? Monostatos, c'est un jeu où tu joues des héros libérateurs, mais les règles du jeu oppriment la joueuse, en fait. C'est-à-dire que tu étais hyper cadré, en fait. Donc, en fait, c'est un jeu où tu joues des rebelles avec des règles qui essaient de te dominer, quoi. Et en fait, c'est très intéressant parce que cette contradiction dans les règles, cette dissonance ludonarrative, eh ben, elle amène des discussions. Et donc, et du coup, on s'interroge beaucoup plus sur ce qu'est ce rebeller que si le jeu, en fait, assénait un message hyper cohérent, quoi. Et donc, bah, pour du transhumanisme, tu peux par exemple imaginer que des modifications corporelles te donne des bonus, te donne des malus, mais tu gagnes des points d'expérience. Du coup, tu te demandes, mais alors attends, le jeu, il me récompense ou il me punit pour changer mon corps et tout? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire, jeu, quoi? Et en fait, c'est à ce moment-là que, parce qu'on parle d'éducation populaire, ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait, se posent des questions entre eux, quoi. Et donc, c'est pas le système qui vient leur. En fait, il faut que le système, il leur donne plus de questions que de réponses, quoi. Moi, ça me fait penser à deux trucs à la fois, à tout ce qui est les jauges d'humanité dans Vampire, par exemple, ou... tu peux le jouer, ou même la santé mentale dans Cthulhu, c'est-à-dire que tu sais que à la fin t'es plus jouable, donc tu peux le jouer en mode hyper punitif, c'est-à-dire le personnage va ramer à fond pour ne pas perdre sa santé mentale et son humanité, ou alors le jouer en mode plus ludique, c'est à mon avis, enfin, j'ai clairement un jugement de valeur dans ce que je dis là, mais c'est-à-dire au contraire inciter à perdre pour pouvoir jouer le fait d'en perdre, quoi. Mais en fait, moi je trouve que c'est pas du tout contradictoire d'avoir un jeu qui t'opprime pour te forcer à te rebeller. Par contre, ça apporte quand même un danger, et ça me rappelle Dirty MJ de John Wick, que moi j'ai adoré. Je sais qu'il y a des chapelles là-dessus, mais moi j'ai adoré ce bouquin, où il te dit d'être vraiment, de te comporter comme une ordure avec tes PJ, parce que de toute façon, ça va leur apprendre la vie et ça va leur apprendre à se rebeller. Et en fait, j'ai déjà essayé, et puis en fait, ils m'en veulent encore, quoi. Et ça leur a pas appris à se rebeller, ça les a juste punis d'essayer d'agir dans le jeu, et c'est pas du tout amusant, quoi. Ni amusant, ni même stimulant à aucun niveau. Après, la dissonance ludonarrative, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Hein. Je voulais juste. Il y avait une approche après Cryptomancer, je voulais détailler une autre approche très rapidement. Et ça me permettrait d'embrayer, parce que j'aurais voulu demander un petit retour d'expérience à Gabriel sur un truc. C'est l'approche poétique, en fait. C'est-à-dire, non, mais en réalité, on ne veut pas du tout être précis dans les processus. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'aborder une notion, et on va le faire de façon la plus abstraite possible, pour en fait pouvoir se concentrer sur les effets que la notion a en jeu, quoi. Moi, par exemple, j'ai un jeu de rôle qui s'appelle Wonderland, qui porte sur la réalité virtuelle. Et en fait, c'est jamais expliqué dans la technique comment marche la réalité virtuelle. On ne sait même pas si on a des implants, si on a des casques, ou si c'est un truc magique. On ne sait pas du tout. Et en fait, ça ne m'intéresse pas d'expliquer ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est on va dans des réalités virtuelles. Et du coup, l'approche poétique me semble aussi fertile. Et je pense, si tu veux bien nous en parler, Gabriel, que notamment ton théâtre C'est corps qui compte pour Inforenza, c'était justement une approche poétique du thème du changement corporel. Ouais, tout à fait. Bah, justement, bah, comme Thomas, je m'intéressais pas aux mécanismes. Ah oui, donc peut-être redire ce que c'est que le théâtre. Enfin, dire tout court. Le théâtre consistait à trouver un corps, en fait, ou pas, à des individus. Et justement, je ne me suis pas du tout intéressé en fait à la partie voilà, alors pour trouver un corps, il faudra mettre des humains en cuve et en plus récolter leurs organes. Non, c'était pas le but. En plus, ça aurait été un peu glauque. Le but du jeu, c'était plutôt de se dire, bah tiens, on a cette technologie, peu importe la forme qu'elle prend. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je veux en faire, moi, vraiment individu, qui a des aspirations ou non? Et qu'est-ce que je vais donner aussi, qu'est-ce que ça va faire aux autres, justement? Et puisque le postulat prenait des humains du 21e siècle, plus ou moins. Et en fait, un peu comme justement ces vieux livres de SF qui sont toujours un peu presque merveilleux dans la technologie, mais qui s'intéressent plus en fait à tiens, qu'est-ce que ça fait si on bouge cette petite variable? Donc voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce théâtre. Néanmoins, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur la dissonance ludo-narrative. Moi, je ne l'apprécie pas trop, celle-là. Et justement, une de mes plus grosses frustrations, un peu comme tes joueurs peut-être, c'était que, bah, par exemple, quand on parle des modifications corporelles, généralement, quand un personnage est beaucoup trop modifié, que ce soit mentalement ou physiquement, c'est la fin du jeu pour lui. Je pense à des jeux comme Warhammer qui... Quand le personnage a beaucoup trop de mutations, il devient injouable, du moins ça devient complètement différent. Ou un jeu que tu as écrit, Thomas, qui s'appelle L'Empreinte. L'Empreinte, c'est un jeu qui se passe dans Miivo, je crois. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Et justement, le but du jeu, c'est de jouer cette transformation du monde qui se répercute aussi sur les êtres humains. Et la fin du jeu, c'est en fait quand on a pris X empreinte, c'est-à-dire X transformation. Et alors que moi, je suis à chaque fois frustré parce que je trouve ça hyper intéressant de jouer justement les personnes transformées, même des fois ce qu'on pourrait appeler des monstres, en fait, la figure du monstre. Et justement, cette dissonance ludonarrative, bah, elle m'embête bien souvent. Pour info d'ailleurs, pour la petite histoire, il se trouve qu'il y a un jeu Milvaud qui permet de faire ça, qui s'appelle Les Murmures de Shu-Niggurath, où on joue justement le passage d'un humain à un monstre. Et pour vraiment boucler, Claude Ferry, il a fait des parties d'Empreinte, et en fait, après, ils ont fait des parties des Murmures de Shu-Niggurath où ils reprenaient leur personnage, et donc ils jouaient la suite, en fait. Effectivement, une fois que les personnages avaient chopé quelques mutations, la partie de l'empreinte s'arrête pour ces personnages, parce qu'en fait, c'est pas une endgame, hein, c'est la fin du personnage, mais c'est pas la fin du jeu. Et il rejouait dans le mur de Shu-Niggurath pour les accompagner jusqu'à effectivement l'éclosion finale sous forme de monstre. Mais en fait, moi, pour enfin, rebondir sur ça, enfin, pour le coup, on se retrouve bien là-dessus. C'est-à-dire que il y a, pour moi, un jeu te dit quelque chose dans la manière dont les règles sont faites. On sera tous d'accord là-dessus. C'est ce que tu disais tout à Ça l'heure. Hein. trahit un peu une philosophie de... Ouais, une philosophie, quoi. Oui, puisqu'on t'incite à faire dans Donjons et Dragons, ancienne école, vieux de la vieille, on te dit tu ne peux pas jouer un personnage mauvais. Point. T'as pas le droit. Enfin, c'est. Parce qu'en gros, le groupe est ingérable, ils vont tous s'entretuer et tout, parce que bon, c'est une vision du mal qui est un peu restreinte, mais bon. Enfin voilà, en gros, c'est-à-dire qu'on ne t'incite pas du tout. Dans un jeu où ça va être que punitif, d'avoir telle attitude, on va te punir de l'avoir, on va t'empêcher de jouer en tant que joueur, faut pas s'étonner que derrière, les joueurs rament à contresens pour ne pas y aller, puisque en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer, donc on va les empêcher de jouer. Pour moi, ça doit aller avec un revers de la médaille. C'est-à-dire que si tu fais une règle de tu deviens un monstre, il faut qu'il y ait un revers de médaille en termes de règles ou d'univers. Hein, ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire que ce revers de la médaille, c'est donc voici des règles sur, voici des méthodes ou des éléments qui te permettront de jouer un monstre. C'est comme si tu fais des règles de surveillance. Tu vois, la surveillance globale, Big Brother, tout le monde est surveillé en continu. Dans ce cas-là, tu dois faire des règles de furtivité. Ou alors, tu dis à tes joueurs, vous êtes surveillés, donc tout ce que vous allez faire sera su, point. Et c'est le prérequis de base. Et dans ce cas-là, il y a une espèce d'omniscience, pourquoi pas, ça peut être un concept. Bah, j'aime bien notamment dans Écorce par exemple les mutants eh ben ils ont enfin, c'est pas écrit clair et net, mais en fait ils sont toujours définis par deux traits et un qui peut être vu comme positif et un qui peut être vu comme négatif, sachant que c'est fait c'est présenté de façon suffisamment équivoque pour que ça se trouve ton trait. Déjà, c'est pas dit ton trait négatif c'est ça et ton trait positif c'est ça, c'est juste t'as deux traits, quoi. Et c'est suffisamment équivoque pour qu'en fait, dans certaines situations, le trait que moi, en tant que game designer, j'avais plus vu comme négatif, puisse être utilisé en positif. L'idée, c'est que de garder une ambiguïté et une liberté d'interprétation, en fait. Après, je voulais revenir un peu sur. Je vais revenir un peu en arrière. Bah, t'inquiète. Justement, quand tu parlais de jauge d'humanité et de vampire, et c'est vrai que moi, ça me faisait penser un peu à, un peu comme. Pour revenir un peu sur cette dissonance cette vision d'humanité, elle est souvent justement très normée en fait. Dès qu'on s'éloigne en fait de la norme que l'auteur a décidé ou les auteurs ont décidé que ça c'était humain, et ben en fait t'es plus humain. Et y a un peu les mêmes choses aussi pour Shadowrun, je crois qu'on perd on a une jauge d'humanité parce qu'on s'augmente et donc on devrait alors que on deviendrait moins humain et ça veut dire En que plus, dans Shadowrun, il semble que tu es puni hein, si ton essence est trop basse. C'est un peu comme si tu avais tombé à zéro santé mentale dans l'appel de Cthulhu, quoi. Soit tu perds ton personnage, soit l'MJ en prend vraiment un gros contrôle pour lui faire des actions très pour lui faire des actions hyper problématiques, quoi. Oui, tout à fait. Et ouais, donc ça fixe en fait un humain qui a existé, un humain du 21e siècle, souvent blanc et tout ça. Et il n'y a aucune évolution. On ne peut pas s'imaginer que par exemple, on soit un des humains différents et que soit, ils se considèrent toujours comme humains en fait. Mais c'est juste que par la culture, par l'éducation populaire peut-être. Ils sont toujours humains, mais ils sont différents de nous. Un peu comme j'imagine en fait Homo sapiens dans sa grotte, c'était aussi un être humain, même d'ailleurs, là pour vraiment aller encore plus loin, Néandertal, tout ça, c'était des êtres humains, pas tout à fait de la même branche, qui sont différents de nous, mais est-ce que eux ils auront une faible jauge d'humanité à vampire? Si on jouerait un vampire néandertalien, je ne sais pas. Il y a un concept. Oui, j'ai laissé un temps là tout d'un coup. Mais c'est un peu une façon de dire que ça traduit une philosophie, sans doute que par exemple, tu deviens fou, mais si tu veux, par rapport par rapport à ceux qui constituent la norme, quoi, dans le bouquin Hyperion de Dan Simmons. L'empire galactique, enfin, c'est pas vraiment un empire, mais grosso modo, la galaxie se fait attaquer par ce que les gens appellent des barbares. Donc il y a une guerre contre les barbares. Et en fait, à la fin, tu découvres que les barbares, en réalité, c'est des transhumains. C'est-à-dire que c'est des. Merci pour le spoil, je suis en train de le lire. Bon, C'est bah, je t'en. pas Voilà. grave, je te pardonne. Voilà. C'est pas grave, tu peux continuer, excuse-moi. Voilà, bah c'était un peu. Je crois que j'avais rien de plus à dire. Oui, est-ce que je peux vous spoiler d'autres bouquins si vous voulez? Je suis navré. Bon, désolé de t'avoir coupé la parole, mais en même temps, ça venait du cœur. En fait, ce qui est amusant là-dedans, c'est que pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui en fait te propose de jouer des personnages hors normes, justement. C'est-à-dire que quand tu joues des vampires dans Vampire, tu joues des espèces de princes des ténèbres, enfin des trucs, on te dit bien qu'à côté, tu as la masse grouillante des humains, et puis toi, tu es une espèce d'élu maléfique et tout ce que tu veux et tout. Mais en même temps, le jeu te reconstitue une forme de norme où faut que tu sois maléfique, mais pas trop. C'est-à-dire que à partir du moment où tu deviens vraiment trop trash, trop hors des clous, c'est-à-dire hors d'une espèce de X-Men un peu habillé comme une espèce de Dracula d'opérette avec une cape rouge et noire, etc. Dès que tu sors un peu de ça, bah en fait le jeu va te punir, va t'empêcher de jouer. Il va dire non, mais en fait là, tu deviens une espèce de bête, et puis du coup le MJ reprend le contrôle pour gérer parce que toi tu vas faire n'importe quoi. Donc en fait on te dépossède de ton perso en disant reste quand même dans une forme de norme. C'est-à-dire que t'es un vampire normal. C'est un peu François Hollande, le président normal. C'est genre, t'es un vampire, mais. Pas trop alors que enfin Alors, faudrait peut-être nuancer. En fait, le truc, c'est que Donc un jeu comme Shadowrun, en fait, il va effectivement, il va quand même un peu punir effectivement le fait notamment de se mettre de la cyber. Alors sachant que Shadowrun, on peut se faire des ennemis parce que c'est un jeu très profond, il y a énormément de choses, donc je suis sûr qu'il y a plein de contre-exemples et je suis à peu près sûr que tu peux hacker le système en fait pour continuer à être jouable avec une essence à zéro, tu vois. À mon avis, il y a plein de manières dans l'univers et avec les mécaniques de jeu de le faire, quoi. Je pense que c'est prévu. T'as des choses aussi très intéressantes dans Shadowrun, par exemple. Comment les humains qui font de la modification corporelle pour ressembler aux elfes, hein, parce que pour eux, les elfes, c'est ce qu'il faut être, en fait. Ou inversement, tu as des humains qui font de la modif corporelle pour ressembler à des orques et tout. Et il y a des choses très intéressantes qui sont plus du background, parce que c'est pas trop géré par la mécanique, alors que la cyber est gérée par la mécanique. En plus, Shadowrun alors, 4 et 5, ils commencent à mettre en place tout ce qui est le BioWare et tout. Ça devient vraiment. Jusqu'à Shadowrun 3, c'est du cyberpunk. À partir de Shadowrun 4 et 5, c'est du transhumanisme parce que pour moi, le transhumanisme arrive quand tu commences à avoir le BioWare notamment, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas te modifier aussi avec la génétique, avec tout un tas de trucs, pas uniquement avec des implants. Mais Shadowrun, pour moi, c'est une dystopie transhumanisme. C'est-à-dire que je pense que le jeu te dit énormément qu'en fait, le transhumanisme, c'est dangereux. Et notamment, en fait, même les personnages sont instrumentalisés par ça. C'est-à-dire que s'ils se transforment, s'ils transforment leur corps, la plupart du temps, c'est juste pour être plus efficient, pour pouvoir faire les runs, en fait. C'est-à-dire que grosso modo, si on veut, c'est le capitalisme qui va. C'est le capitalisme qui va transformer les gens pour les résumer à des fonctions, quoi. Donc après, je pense qu'on peut aller voir vers des jeux où le transhumanisme n'est pas forcément vu comme une dystopie. Je pense que par exemple dans Eclipse Phase, t'en es pas du tout. T'en es pas. Enfin, je sais pas si t'es aussi puni ça que changer de forme. Il y a même visiblement, enfin, il y a des missions, tu peux pas les résoudre si tu changes pas de forme au cours de la mission, par exemple. Et des jeux comme Sufficiently Advanced. Qui se passe grosso modo, faut imaginer, c'est Eclipse Phase, mais 5 000 ans plus tard, quoi. Alors, en fait, se pose même plus la question, c'est-à-dire que de toute façon, l'humanité telle qu'on la conçoit aujourd'hui a cessé d'exister depuis longtemps, puisque on est sur grosso modo une maîtrise totale de la matière, quoi, dans Sufficiently Advanced. D'accord, mais est-ce que finalement, enfin, finalement, tu vois, dans ce jeu, alors que je connais pas, mais on pourrait pas aussi bien dire que c'est des elfes ou des demi-dragons ou je ne sais quoi dans un monde complètement différent, et au final, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que est-ce que ça porte vraiment un propos sur le transhumanisme, Ah, ou est-ce parce que qu'on est juste dans un autre bah, le monde et puis. transmatérialisme, par exemple, voilà, c'est pas de la fantaisie, c'est autre chose, quoi. Le fait que l'humain a un contrôle total sur son corps et aussi sur le cosmos, en fait, je pense qu'on déborde largement d'un cadre made fan, quoi. Après, tu peux faire des cadres made fan comme ça, hein, pourquoi pas, hein. Mais pour le coup, en fait, ils n'en ont de made fan que la couleur. Ils sont typiquement transhumanistes, parce Ouais, que ouais. c'est des questions qui sont transhumanistes, quoi. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je voulais rebondir sur plusieurs points. Alors déjà, oui, sur le fait que quand tu disais on veut ressembler à des elfes, et que est-ce que c'est vraiment transhumaniste tout ça? On peut considérer que c'est vrai que c'est transhumaniste, parce qu'il y a dans le transhumanisme, il y a quand même un idéal à atteindre. C'est l'immortalité, par exemple. Et il y a un peu justement pour les elfes aussi, ben voilà, l'idéal en fait de la beauté d'être, en fait, du corps à avoir, c'est l'elfe en fait. Et un elfe immortel, alors là, bingo. Et d'ailleurs, ce qui donne pas mal de préjugés sur les elfes qui sont pas nouveaux. Ensuite, pour Eclipse Phase, je voulais revenir. Les auteurs décrivent que c'est un jeu de science-fiction d'horreur, généralement. Alors certes, on peut facilement changer de corps, c'est vraiment très établi, avec les égos, les morphes, tout ça. Égo, ce serait l'esprit, entre guillemets, et morphe, ce serait le corps. D'ailleurs, on pourrait en parler de l'égo et le morphe, de la vision transhumaniste là-dessus. Et oui, c'est décrit comme presque une horreur, un peu comme à la Cthulhu, en fait, une horreur intellectuelle, en fait. Et enfin, c'est drôle quand tu dis dystopie transhumaniste. Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Ah. Bah, partant du principe que tu as des défenseurs du transhumanisme qui disent que c'est là qu'il faut, que c'est une voie d'émancipation de l'humanité et tout, je pense qu'on peut, on peut tout à fait envisager des utopies transhumanistes en fait. Après, aucune technologie n'est neutre, hein, bien sûr, mais Ah tout non. comme on peut avoir un discours technocritique, on peut, enfin, cette technocritique, elle peut être, enfin, clairement, ceux qui veulent abolir la mort, c'est parce qu'ils considèrent la mort comme une maladie et tout, et c'est vu comme positif, quoi, le transhumanisme. Je pense aussi qu'on a un biais qui est que on va avoir un nombre beaucoup plus écrasant de dystopies transhumanistes ou de dystopies de SF en général que d'utopies, parce que là je m'en remets à Catherine Dufour, qui est une autrice de SF française, qui disait qu'en fait elle avait essayé d'écrire de l'utopie et puis elle n'y arrivait pas parce qu'il n'y avait rien à raconter en fait. C'est-à-dire que dans une utopie où tout marche bien, alors ça c'est son avis, hein, mais c'est dans une utopie où il n'y a pas d'histoire, parce qu'une histoire telle qu'on la raconte, avec des enjeux dramatiques et tout, ça naît de la friction entre des conflits, enfin du conflit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire entre des enjeux, des intérêts divergents qui vont s'affronter d'une manière ou d'une autre, et que ça va créer une histoire. Et que c'est pour ça qu'on est beaucoup plus porté sur la dystopie de manière générale, parce qu'il y a des choses à dire avec des émancipations, etc., des trucs. Penser ça, tu sais que c'est dramatique parce que ça nous empêche de penser des avenirs désirables. Ah ben ouais, je sais. Et c'est vraiment très important d'amener des utopies en jeu aussi, quoi. Ou au moins au moins des tiers-lieux, quoi. Sinon des utopies, au moins des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où les règles sont différentes, mais qui puissent être désirables, quoi. Mais en même temps, moi je suis convaincu que le monde ne va pas vers le meilleur et que c'est peut-être en partie parce qu'on n'a pas réussi à se donner des avenirs désirables. Ouais, après, là, on va partir sur un autre Bien sûr. débat, mais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur la dystopie qui serait forcément plus intéressante. Mais avant, je voulais revenir sur la technologie qui était délétère. Je pense pas que ce soit la technologie en elle-même qui soit délétère, mais tout simplement son utilisation. À part les armes, j'avoue que j'ai pas trouvé de. En fait, non, C'est un peu j'ai du mal à te voir, mon. une technologie est jamais vraiment neutre, quoi. Faudrait qu'on y réfléchisse un peu plus, ce serait Mais peut-être un autre non, mais c'est podcast, comme en jeu de mais. rôle, c'est comme en jeu de rôle où en fait tu as un système de résolution, par exemple, n'est jamais neutre. Tu vois, le système générique entre guillemets, qui ne donne jamais son avis, ça n'existe pas, quoi. Et donc, en plus, de toute façon, la façon dont on va mettre en mécanique vraiment le sujet, sera jamais neutre, quoi. Moi là-dessus, enfin, sur le fait que la technologie neutre ou pas, enfin, je suis totalement de ton avis, Thomas, c'est-à-dire que dans tous les cas, alors pour les armes, c'est le cas, mais pour toute technologie, elle est conçue dans un certain objectif, pour servir l'utilisateur, mais aussi pour servir la personne qui l'a créée. Et du coup, on peut la hacker jusqu'à un certain point, ça dépend lesquels, elles sont plus ou moins détournables. Selon, mais globalement, une technologie a quand même des impacts sur le monde en général et sur les gens qui l'utilisent. Donc en ça, je te rejoins, Thomas, mais après, on peut en parler. Mais tu vois, même une arme, en fait, en soi, c'est fait pour tuer. Après, tu peux, enfin, tu vois, Tintin, il utilise des armes dans Tintin tout le temps et il tue jamais personne, il blesse jamais personne, jamais une goutte de sang, parce qu'il l'utilise toujours de manière totalement non létale, parce que c'est un truc gentillet, voilà, enfin. Mais au-delà de ça, c'est quand même un détournement qui n'est pas prévu pour ça, quoi. Quand t'as une Kalachnikov, ça ne sert pas à faire cuire un œuf sur le plat, tu vois. Ça sert à mitrailler les gens. C'est quand même plutôt efficace pour faire ça, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on les a inventés. Bah ouais, exactement. Oui, je suis pas tout à fait. Après, il y a toujours aussi, où on parle maintenant, on n'est plus du ministère de la guerre, mais du ministère de la défense. En même temps, si tout le monde était dans la défense, pourquoi il n'y aurait plus besoin d'armes, en fait? Enfin bon, soit je pense qu'on s'écarte peut-être un peu. Pour les dystopies, je ne suis pas tout à fait sûr parce que, par exemple, Je pense au militantisme, qui se veut justement, par exemple, je sais pas, je pense au militantisme de protéger les carottes des pesticides. Parce que j'aime beaucoup les carottes et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de pesticides sur elles. Et bien justement, je vais fonder un groupe, on va avoir un impact, bah, faire du lobbyisme en fait, pour sauver nos carottes adorées. Et je crois que je me perds un peu dans cette. Je sais pas, j'attends la suite. Et je peux me dire, moi, dans mon système de pensée, qu'un monde où il n'y a pas de pesticides sur les carottes, bah, ce soit quand même un monde meilleur. Oui, je pense pas qu'une utopie, on ne sera pas sur une utopie parfaite, mais par contre, un monde justement qui tend vers cette utopie, bah, on peut essayer. Après, c'est le C'est ce que fait le propos. militantisme. Ouais, mais enfin, oui, c'est vrai. Après, c'est ce que fait le propos du jeu et ce que porte le propos du jeu. C'était enfin, ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le fait de dire ton jeu va en éducation populaire ou en conférence, ou après on peut trouver que c'est intéressant, on peut à jouer, tu vois, mais va dire. Enfin, ta conférence, ton éducation populaire, elle délivre un message. Après, le message, ça va être protégeons les carottes, ou au contraire, abolissons les carottes, tu vois, ou telle cause, quoi. Et puis, en fait, ça dépend. Chacun va après faire sa chapelle, et là le jeu va plus ou moins porter un propos. Et puis la manière dont il va être utilisé aussi, tu peux utiliser un truc de manière totalement ironique pour. Enfin, je sais pas. Est-ce que moi j'aurais envie de. Enfin, ça, c'est une zélène des carottes, hein, j'en suis Ouais, navré, mais ouais. j'avais envie de présenter vite fait deux ou trois expériences de game design que j'ai fait sur ces thèmes-là, en fait. Alors, justement, de manière à te permettre de les présenter, moi j'aimerais bien vous poser une question à tous les deux et peut-être que ça pourra nous servir de début de conclusion. En fait, on a évoqué donc pas mal d'aspects, on a évoqué le côté, le propos du jeu qui va délivrer plus ou moins tel ou tel message avec plus ou moins telle ou telle technique. Ce qu'on n'a pas donné, en fait, c'est un peu notre avis finalement. On n'a pas dit ce que nous on appelait de nos voeux dans le jeu qui abordait la thématique transhumaniste. Si on en parle là, c'est quand Et même. de modification corporelle. Et de modifications corporelles, ouais. Donc on n'a pas du tout parlé pour le coup. Enfin, beaucoup moins du coup. Ah oui. Et en fait, du coup. Qu'est-ce qui vous. Alors peut-être que c'est comme ça que tu voulais présenter un peu Oui, des c'est une designs que bonne tu avais façon de le fait. présenter, parce que du coup, pour répondre à ta question, je vais être obligé de présenter mes jeux. Bah voilà, bah tu vois. J'ai des avis variés sur le sujet, c'est pour ça qu'il y a plusieurs jeux en fait qui traitent le sujet. Alors c'est que des jeux en développement, hein, pas de bol. Ils sortiront sans doute Donc un il y a jour. Little Chimneyville, qui est pour le coup une dystopie, hein, biopunk panasiatique. Hein. Et donc les thèmes qui sont brassés à travers l'univers, à travers le game design, tout. Donc c'est propulsé par l'apocalypse, donc les choses sont beaucoup amenées par les moves des personnages. On va retrouver, mais aussi l'univers retranscrit ça beaucoup. L'univers est injecté en permanence dans la fiction via un système de questions et de manœuvres que l'MJ doit faire. Et donc les thèmes, grosso modo, c'est la perte d'identité. La marchandisation d'identité et de la mémoire, parce qu'en fait ça devient des choses que tu peux vendre. La fusion entre l'homme, l'animal, le végétal et la machine. L'altération de la réalité, c'est-à-dire qu'en fait on communique très facilement entre la réalité physique, mais aussi avec les réalités virtuelles, avec les rêves. Et en fait du coup la notion de réalité s'effondre, quoi. Avec notamment, il y a un phénomène qui s'appelle l'oblitération ou l'effacement, c'est-à-dire que le monde, enfin la ville, ça se passe dans une ville, et en fait la ville s'efface au fur et à mesure, les messages sont déformés, transformés, et le langage lui-même perd de sa substance au fur et à mesure, on perd des mots. Donc voilà, là pour le coup, c'est en fait quelque part, c'est l'idée, c'est un effondrement transhumaniste, c'est-à-dire c'est une société de transhumanistes, mais qui arrive à un état d'effondrement, quoi, littéralement. Sinon, il y a un jeu qui s'appelle Écorce, donc ça se passe c'est du post-apocalyptique, ça se passe dans Millevaux, c'est du post-apocalyptique médiévalisant, tellement médiévalisant que c'est motorisé grosso modo par Donjons et Dragons, première édition. Et donc les thèmes, c'est le Comment Il faut savoir les trucs importants à retenir dans Ecorse, c'est que il n'y a pas de point d'expérience. Donc en fait, pour progresser, on peut progresser uniquement en fait dans la diégèse. C'est-à-dire que si tu veux que ton personnage soit plus fort, il faut que tu trouves une solution en fait dans l'histoire pour devenir plus fort. C'est pas tu as gagné des points d'expérience et tu peux augmenter ta carac, quoi. Et donc les thèmes qui sont. Et puis il n'y a pas de. Pareil, il n'y a pas d'argent. L'argent est remplacé par la mémoire. C'est les souvenirs qui servent de mémoire, quoi. Qui servent de monnaie. Et donc les thèmes, c'est le cyberpunk, parce que justement le cyberpunk, c'est un des moyens d'améliorer ton personnage, puisque tu ne peux pas le faire par l'expérience. La recherche de l'optimisation, de la réparation du soi en permanence, on a vraiment très très peu de points de vie. Et donc tu démarres avec un des 6 points de vie et tu n'en auras jamais plus. Sauf si tu trouves un moyen un moyen soit par la cyber, soit par des décoctions végétales, soit par l'hybridation avec des monstres. Il n'y a que par ces moyens-là que tu peux espérer avoir plus de points de vie, ou même récupérer tes points de vie. C'est aussi une opération qui transforme profondément, parce que pour récupérer des points de vie, tu vas absorber genre de l'arbre spirale, donc c'est un arbre qui va pousser dans toi, qui va faire une symbiose avec toi, c'est comme ça que tu régénères. C'est que des trucs littéralement invasifs, quoi, pour se guérir. Enfin, invasifs. Invasifs ou symbiotiques, ça dépend comment tu les vis, en fait, si tu les vis positivement ou négativement. C'est marrant ça, parce que ça me fait penser un peu, bah, ce qui boucle un peu en fait avec des questionnements transhumanistes, c'est le vieux paradoxe du bateau de Jason. Jason plutôt. Explique-nous ça parce que je n'ai pas du tout là. Justement, c'est Jason va chercher la Toison d'or avec son bateau. Et son bateau, justement, bah, il y a des tempêtes, le bois il pourrit, Bref, c'est un objet qui fatigue. Et est-ce que le bateau, une fois que tu l'as tellement modifié, qu'il n'y a plus aucune pièce à l'origine, est-ce que c'est toujours le bateau que tu avais au début? Est-ce que c'est toujours ton bateau? Et c'est un peu ça ton corps en fait, est-ce Bah, que. ma réponse est oui, parce que par exemple, toutes tes cellules sont changées en l'espace de 7 ans. C'est-à-dire que en fait, t'as pas du tout. Ça se trouve, tu vas me dire que c'est faux, hein, que c'est une approximation. Mais bon, on va dire. Si on prend l'approximation pour vrai, en fait, un enfant de 7 ans n'a plus aucune cellule de qu'il avait à la naissance. Et donc, de toute façon, la permanence du corps, déjà dans le monde réel, c'est déjà une illusion, quoi. Peut-on vraiment dire que c'est toujours lui, parce que c'est plus du tout la même Alors, personne entre 0 est-ce et que c'est 7 toujours ans, la tu même vois? personne, sachant Ah bah voilà. qu'effectivement, ses cellules ont été entièrement changées? Que sa mémoire est une construction cérébrale, ça n'est pas le passé, c'est juste une construction. Son identité aussi, voilà. Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est une personne? Enfin bref. Si certaines de cellules, par exemple les neurones, restent toute la vie. Ok, très bien. Donc, Merci, merci certains pour la neurones. petite Non, mais ce que je correction, veux petite dire. précision. Ce qui permet justement, quand tu parlais de mémoire, d'identité, Ouais, c'est si on ça. rattache l'identité au cerveau, ce qui n'est pas forcément passé d'un point de vue, voilà, enfin, ça fait rien au sens. Alors, je finis très rapidement Oui, vas-y, là-dessus. finis. Donc, tu as aussi dans ce jeu, tu as les nouvelles espèces intelligentes, en fait. Il y a les mutants. Chaque mutant est différent, en fait. Il n'y en a pas qui potentiellement sont interfertiles entre eux avec les humains. Et puis, il y a une race, enfin une race, un peuple, une espèce émergente qui sont les Koraks, en fait, qui sont des hommes corbeaux, quoi. Et se pose la question, en fait, bah, lesquels sont humains, lesquels ne sont pas. Et enfin, on réfléchit pas mal à ce que ça fait de paraître, entre guillemets, normaux humains, quoi. Et puis, il y a la technologie rendue à l'état de nature, puisque, en fait, toutes les perturbations qui semblent être magiques ou de type magie du chaos qu'il y a dans Milvaux, en fait, peuvent être en réalité interprétés comme des artefacts pareil, d'une société transhumaniste qui se serait effondrée. C'est-à-dire que, en fait, la magie sauvage, ça se trouve, c'est des nanites, c'est de la comment c'est du réseau virtuel, mais tu sais, dématérialisé, quoi, uniquement avec des par ondes, en fait, des espèces d'ondes fantômes, quoi. Et bref, tu peux trouver plein de choses comme ça. Et le dernier jeu, c'est Wonderland, où on joue. C'est un jeu sur les réalités virtuelles, mais pas que les réalités virtuelles, toutes les réalités alternatives, quoi. Donc, y compris les tripes que tu peux avoir sous substance, les rêves et tout. Et en fait, il y a deux thèmes principaux, c'est la fin de la notion d'identité, en fait. Voilà, la notion d'identité, l'unicité d'identité, la permanence d'identité est complètement remise en question dans le jeu. Et également, la notion de réalité est absolument remise en question. Et je me rappelle par exemple d'un scénario où, à force de sauter de réalité en réalité, les personnages se font la réflexion, ils disent, mais ça fait tellement longtemps qu'on a quitté la réalité que je pense qu'on ne pourra jamais y revenir. Voilà, c'était tout pour mes jeux. Juste avant du coup de te passer la parole, Gabriel, pour te demander les jeux du coup que tu voudrais citer. Moi, au fait, de ce qu'on a dit par rapport, enfin précédemment par rapport aux jeux là dont tu nous parles, qui sont tes jeux, Thomas. En fait, Little Hochiminville et Wonderland, ça me paraît être les jeux poétiques, mais qui ont une approche de jeu poétique, c'est-à-dire, j'imagine qu'il y a un système qui est vraiment assez simple ou alors basé sur vraiment des mécaniques narratives de C'est questions-réponses, assez etc. freeform, ouais. C'est ça? Et puis Écorce, c'est un hack de donge, donc Mais lui, par contre, il est très crunch, enfin, il est très crunchy, donc les effets sont plus précisés des choses et tout. voilà, c'est ça. Et donc tu vas regagner des points de vie en t'hybridant avec une fougère ou j'en sais rien, mais enfin un truc de ce genre. Et ok, donc du coup ça répond bien à la question. Gabriel, est-ce que tu avais des jeux que tu voudrais nous citer ou des expériences vécues dans cette matière? Alors pour ma part, en fait, j'ai toujours essayé de. Plutôt, j'ai. Comment dire? J'ai essayé de chercher justement le bon jeu de rôle, justement, cyberpunk, transhumanisme, tout ça. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a certains que j'ai trouvé intéressants. Bah, par exemple, on citait Keyphase, mais je trouve qu'il y a des défauts. Shadowrun aussi. Et en fait, en ce moment, ce qui m'intéresse, j'ai peut-être une approche un peu différente. Avant, j'avais une approche peut-être très technologique, peut-être de la chose. D'où mon appétence pour Keyphase, qui n'a pas complètement disparu, cela dit. Justement, une approche plus poétique comme Wonderland ou des choses comme ça, ou symbolique, où en fait on s'en fiche de la technologie, juste je vais faire une expérience de pensée en fait. On a la technologie, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe si Et je trouve qu'il y a un jeu qui le fait bien, et là, je pense que Thomas, qui ici aura les chevilles qui enflent, c'est pas terrible. C'est Influenza, qui, je pense, est justement très puissant parce que, de par sa mécanique des phrases, en fait. Si tu veux en parler juste 30 secondes, histoire de. Non, je préfère que tu en parles à la rigueur si pour D'accord. que vraiment on aille sur ton propos, quoi. Ok. Et justement, je trouve la plus grande force en fait de ce jeu, c'est que en fait, un personnage se résume, est une succession de phrases qui lui est complètement libre. Et ce qui permet justement de faire énormément de jeux là-dessus. Et notamment aussi même des jeux littéraires, on parlait de littérature un peu avant. Et ce qui amène justement tout un pan en fait qui n'a pas trop été exploré à ma connaissance en jeu de rôle. Et d'ailleurs, j'y pense, tu cherchais justement tes fameux niveaux. Et je pense que ce jeu-là, par exemple, pourrait être un jeu candidat pour le troisième niveau, par exemple, en disant que. Eh bien, l'univers a aussi une fiche de personnage. Et je rajoute des phrases, par exemple, Et ben, les carottes n'ont plus de pesticides. Voilà. Ou alors en plus, dans ton théâtre, C'est corps qui compte, il y avait aussi du transmatérialisme parce qu'on pouvait expérimenter le changement de corps comme on voulait. Il n'y avait pas de barrière technologique, puisque tu nous as dit licence poétique, vous faites comme vous voulez. Et en plus, on pouvait changer le décor, quoi. Donc, Tout à fait. et d'ailleurs, ce qui était important, parce que tout à l'heure, on a parlé de la fameuse distinction corps-esprit qui n'a pas vraiment de sens, parce que fatalement, ton support influe sur ta conscience, quoi. Parce que d'ailleurs, ce qui est assez drôle, les transhumanistes qui se disent matérialistes, justement, sont très dualistes. De par le téléchargement du cerveau, on pourrait survivre. Ouais, C'est mais tu assez vois par cohérent. exemple quand Excuse-moi, je t'ai quand coupé. t'as le concept de transhumanisme où en fait on fait vivre les on commence on se dit bien quand même que si ton support c'est juste une puce informatique, on dit que ça pose problème et que tu risques de devenir fou. C'est pour ça que notamment souvent en fait les gens les gens qui sont sur puce mémorielle, en fait on les fait vivre une réalité virtuelle où ils ont un corps, tu vois, parce que justement on se dit que non, en fait c'est quand même important que les personnes aient un corps, parce que justement une conscience c'est aussi ça, quoi. Et ton support biologique, il est vraiment très important dans la construction de ton identité. Tu peux pas, en fait, tu peux pas vivre. En tout cas, on ne sait pas du tout ce qui va se passer si on supprime cette notion-là du corps, si on supprime totalement. Et généralement, on préfère éviter de le savoir. Donc du coup, on plonge les gens dans une réalité virtuelle où on leur donne un corps virtuel. Et même, j'irais même encore plus Mais loin. du coup, Ouais, pardon. juste pour Oui, finir, vas-y. dans ces corps qui comptent, ça allait plus loin, parce que ce qui nous permet de s'en rendre compte, c'est que notre environnement constituait notre identité, parce qu'en fait, en modifiant notre environnement, on s'était bien rendu compte que ça modifiait très largement, quelque part, la proprioception que les personnages avaient, la perception que les personnages avaient d'eux-mêmes et tout, de qui ils étaient, vers où ils allaient, notamment parce qu'ils testaient des scénarios de ça, c'était peut-être mon passé, ou ça, c'est l'endroit où j'aimerais vivre, en fait. Tu te rends compte que par le jeu, tu vois, on se rendait bien compte qu'on se définissait, en fait, c'est un peu universaliste, hein, comme propos, entre guillemets, mais qu'on se définissait de toute façon juste par le cosmos qui nous entourait, et qui, en fait, il y avait une importance très dans la construction de notre identité, quoi. Et là, on a peut-être touché du doigt l'éducation populaire, tu vois, c'est en jouant, vous avez fait émerger un propos comme ça qui est C'est ça, ouais. Qui était peut-être pas forcément. philosophique, je Enfin, sais pas. après, peut-être que Gabriel avait tout manigancé de son côté. Hein. Moi, je voudrais citer un autre jeu. Je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, sauf si vous avez vraiment un truc à dire absolument pour conclure que vous n'auriez pas dit. C'est pour réagir à ce que tu disais. Moi, j'adore l'idée que l'environnement puisse avoir une feuille de perso ou en tout cas des caractéristiques qui vont évoluer avec le temps. Enfin, l'univers du coup a sa feuille de perso, c'est ce que tu disais. Et du coup, je voudrais te citer un jeu auquel on a joué ensemble, Thomas, c'est 1000 gouttes, dans lequel enfin, c'est un jeu qui est plus ou moins en développement, qui a été écrit par Rick Pogan, qui est, je crois, sur les courants alternatifs. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer ou si tu vois ce que c'est. Oui, non, parce que justement, je faisais un atelier avec Eugénie qui est juste à côté de nous. D'accord, bon. En tout cas, pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent encore malgré l'heure tardive, je précise que ce podcast ne nous écoute que de nuit. En fait, dans 1000 gouttes, voilà, les personnages sont décrits par des phrases, encore une fois, assez libres, puisque ta feuille de perso n'est qu'une grille, en fait, avec des lignes ordonnancées de 1 à 10 ou 15, je sais plus. Et on va te dire, je suis pompier, j'ai 43 ans. Je fais ci, je fais ça, etc. J'ai deux enfants et autres. Et au fur et à mesure, c'est un jeu qui est basé sur l'oubli, sur la pluie et l'oubli, la pluie te délave, etc. Et du coup, tu vas passer de certitudes concernant qui tu es à des impressions de plus en plus difficiles à cerner. Et du coup, tu vas faire évoluer ta manière de jouer ton perso en fonction de ça. Donc, tu vas passer de je suis pompier à je crois être pompier, je suis persuadé d'être pompier. Et puis après, j'ai l'impression d'être, et puis tu es de plus en plus détaché, et tu vas perdre des éléments de ta personnalité comme des lambeaux, comme ça, qui se détachent et qui se diluent. Et on pourrait imaginer pareil pour l'univers du jeu, en fait. C'est nous sommes en 2019, et puis nous sommes peut-être en 2019, donc tu rajoutes des éléments d'anachronisme, des trucs qui font que c'est de moins en moins clair, et puis tu fais évoluer le truc, et puis éventuellement tu l'hybrides avec d'autres univers, etc. Mais pour ça, pour évoquer ça plus en détail, il faudrait qu'on parle en fait de monde virtuel ou de C'est vrai. réalités alternatives, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on peut même aller plus loin, juste très très rapidement. On peut faire certes des phrases qui concernent les règles d'univers. Comme tu dis, est-ce qu'on est en 2019 ou en 500? Mais est-ce que aussi on peut même modifier les règles? Par exemple, tel résultat D donnera ça au lieu de ça, au lieu de ce résultat normalement. Et ce qui permet justement bah, d'exploser, comme tu dis, la matrice. C'est ça. Et ça peut être rigolo. Tout à fait. Et si ça vous va, ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci à vous qui nous suivez peut-être encore, malgré les labyrinthes dans lesquels nous sommes enfoncés. À bientôt. Salut. Générique, crédit.